Cette semaine, Google repousse les limites de la photographie de calcul, Sony lance l'Asset 4 et Olympus est mort. Vive OM! Vous écoutez Objectif numérique, épisode 178. Stéphane Vaillancourt au micro, je suis en compagnie de Christian Jarry. Salut Christian. Hey, salut Stéphane. De Patrick Pilon. Bonjour, bonjour. Salut. Et de Maxime Soriol. Oh salut, yeah! Et un revenu. On a des gens de partout à travers le monde encore cet épisode-ci. Montréal, l'Ouest, c'est quoi, l'île Perrault, Kazakhstan, ouais. Laval. C'est pareil. Même la contrée lointaine de Laval. Ouais, ouais. Represent. Ben, Laval puis Kazakhstan, c'est pas mal pareil. Les deux ont des fusées de cosmonaute à Laval puis Baïkonour au Kazakhstan. Pareil. C'est vrai. On a même une soucoupe volante, hein, un ovni avec le Colossus, le cinéma Colossus. On est vraiment équipés. Même chose. Hey, messieurs, ça fait quand même un mois qu'on s'est parlé la dernière fois. Maxime, ça fait plus longtemps que ça, quoique on se parle sur Messenger, mais... qu'est-ce que vous avez fait côté photo depuis le dernier épisode, Christian? J'en ai pas fait beaucoup, mais par contre, avec la famille, on a décidé d'aller visiter le nouveau biodôme qui a changé, qui a réouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Mm-hmm. Puis on a fait le biodôme, le planétarium et le jardin botanique. Fait que ça m'a permis de faire un peu de photos, aux deux, le premier et le dernier, parce qu'évidemment, au planétarium, tu ne peux pas prendre de photos. Mais non, c'est ça, les lanternes, comme d'habitude, j'aime bien ça y aller. J'ai pu faire encore des assez belles photos cette année. Puis le nouveau biodôme aussi, mais il y a toujours le maudit problème que la première place, il faisait assez froid cette journée-là. Fait que tu rentres, ton objectif est froid, puis là, tu rentres dans l'endroit la plus chaud, puis ton objectif en but pendant à peu près 20 minutes avant que tu réussisses à faire de quoi que de l'allure. Oui, et mais, François l'avait déjà expliqué. Faire quelques-uns. François l'avait expliqué à maintes reprises, hein, avait donné des trucs pour quoi faire quand on rentre de l'extérieur et que les objectifs sont pleins de buée, l'appareil photo, il faut le laisser vraiment dans le sac et le laisser tempérer. Donc, si jamais les auditeurs n'avaient pas eu la chance d'écouter cet épisode, ben voilà un truc qu'on avait donné il y a très longtemps. Il suffit de laisser vraiment... Ben oui. Oui, ça fait vraiment très longtemps. Oui, vraiment. Épisode 2. C'est ça, mais à part... Ouais, ça, sérieux, mais ça doit vraiment être dans les 10, 15, 20 premiers, genre pas bien plus que ça. Mm-hmm. À part ça, j'ai pas fait grand-chose comme photo, un peu de photos de produits comme d'habitude, là, mais sinon rien de très passionnant ou excitant. Mais j'ai fait quand même quelques photos intéressantes. Là. Je vais en mettre quelques-unes sur le site. Parfait, merci. Patrick, de ton côté? Ben moi, j'ai eu la chance d'avoir une semaine de relâche parce qu'on a ça ici, une semaine de relâche d'automne. Cool. Puis, on en a profité pour voyager un petit peu au Kazakhstan. On est au nord du pays, nous, à Nur-Sultan. Puis, on est allé dans le sud, à Almaty. Et c'est une ville qui est très différente parce que ici, on est vraiment au nord, dans la steppe. Là. C'est plat, plat, plat, plat, plat, plat, complètement plat. Et là-bas, ben, y a des montagnes tout autour de la ville. On a visité un canyon. Donc, il y a quand même du beau relief. Puis quand on a visité le canyon, ben, j'en ai profité pour faire de la photo. J'avais apporté deux objectifs. Mon objectif préféré que j'haïs, là, le 18-135 de Fuji. Disons le plus polyvalent, mais pas nécessairement le meilleur. Ah, je finis toujours avec celui-là parce que, tu sais, avec les enfants, j'ai besoin de transporter des bouteilles d'eau, des collations, tout ça. Fait que mon sac de photo est rempli de d'autres choses que des objectifs. Tu mets des bouteilles d'eau dans ton sac photo? Ouais, mais en bas, c'est des bonnes bouteilles, là, celles du Costco. Là. L'autre objectif que j'ai décidé d'apporter cette fois-ci, c'est mon grand-angle, parce que je me suis dit, j'ai avoir des possibilités de faire du paysage. Puis mon zoom ne rentrait plus parce que j'avais mis une bouteille d'eau dans mon sac. Fait que j'ai pris mon grand-angle au retour, parce que, tu sais, quand tu es dans un endroit comme ça, le canyon, c'était magnifique. Partout où tu regardes autour de toi, c'est beau. Fait que là, à l'aller, c'était 2,5 km aller. Après ça, on revenait dans le même chemin. Là, je prenais plein de photos, mais tu sais, ça finit par se ressembler. Là, j'essaye de travailler ma composition, mais là, OK. Puis là, des fois, je vois quelque chose de super beau, mais là, je me dis, ah, là, il faudrait que je change d'objectif, mais c'est long parce que là, il faut que j'ouvre mon sac, tatatatata. Fait que je me suis dit, au retour, je vais tout faire avec mon 10-24. Puis à l'aller, je fais tout avec mon 1835, ce qui me permettait aussi d'aller chercher les montagnes en arrière. Puis ça a été intéressant comme exercice parce que que je voulais donc le changer et à l'aller et au retour, mais je me suis dit, je vais repasser à la même place. Peut-être que la lumière va être un peu différente, mais je veux me forcer à travailler avec cet objectif-là pour l'instant. Puis je pense que ça m'a permis de voir des choses que j'aurais probablement pas vues, notamment avec le grand angle. C'est pas toujours facile. C'est sûr que tout est beau, tout est là, mais d'essayer de décider c'est quoi le sujet de ta photo exactement, justement quand il y a tout ça autour de toi. Puis je faisais des courts clips vidéo aussi un petit peu en même temps avec du mouvement. Mais c'est ça. Fait que ça a été une belle expérience. Je partagerai des photos, mais je les ai pas encore classées. Là, fidèle à moi-même, c'est pas sur ma carte mémoire. Là. J'ai au moins transféré. Okay. Ben, au moins, c'est un progrès. Mais ouais, j'ai un problème de classement de photos. Puis autre que ça, ben, j'ai fait encore de l'architecture parce qu'il y avait de beaux édifices là-bas. Des édifices dignes de l'époque soviétique, là aussi, assez intéressants. Là. Ah oui. Des grands, grands édifices qui font toute une rue, là, puis qui sont identiques partout. Là. Fait que je vous partagerai ces photos-là, mais ça m'a permis de m'amuser un petit peu quand même. Ça fait changement du quotidien. Mm-hmm. Parfait. J'imagine. Toi, Maxime, qu'est-ce que tu as fait? J'ai pas fait beaucoup de photos. Je me sens un peu comme un. Je suis pas sûr de comment le prononcer, mais Ikikomori. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Non. Qui est-ce? Ah, c'est les Japonais, un peu les Japonais, mais adaptés sociales qui sortent plus de leur chambre à part pour aller aux toilettes ou chercher de la bouffe. Ah oui, ben c'est ça. Ikikomori, il y a même un film. Non. OK. C'est un vrai phénomène japonais. Donc, je me sens un peu comme ça, vu que c'est le télétravail, je sors très peu, donc peu d'activité. Donc, je fais pas beaucoup de photos. J'en ai quand même mis une dans les notes que j'ai pris récemment, une réflexion comme ça tout le temps. Mais, quelque chose que je ne veux pas développer, mais j'ai commencé à être le compte de Tourisme Montréal Instagram, donc 300, qui a beaucoup de milliers de personnes qui regardent et tout. Donc, à tous les jours, je regarde des photos, puis toutes des super de. Ben, pas toutes, mais plein de super de belles photos de Montréal sans cesse. Donc, je me cherche un peu. Si c'est des photos, qu'est-ce que je peux ajouter à plus que toutes les centaines, les milliers de photos que je vois? Parce que tu trouves que la barre est haute à force de regarder beaucoup, beaucoup de photos. Puis là, tu te dis, ouais, comment je peux égaler ou surpasser ça? Mais c'est une des pires choses à faire en photo, je trouve, c'est de vraiment se comparer. Si tu te compares, c'est là toujours quelqu'un de meilleur que toi. Ben oui, il y aura toujours quelqu'un de meilleur que nous, tu sais, mais il y aura personne qui aura exactement, mettons, qui aura ta signature, qui aura ton style. Tu sais, toi, on voit une de tes photos, je vois passer dans le fil Facebook. C'est Maxime, tu as une signature dans tes photos, tu sais, on le sait tout de suite. D'ailleurs, il y a même un site qui t'a volé ton style, ta signature, hein, pour un article. Tu nous avais envoyé ça. On mettra. Ah, je regarde. Mais oui, on mettra. Je sais pas vraiment si c'est ma signature ou quoi, mais c'est que Facebook va très mal ces temps-ci avec raison. Puis c'est la photo, c'est une flaque d'eau dans le parking de c'est social de Facebook où c'est, le logo, le pouce, est reflété à l'envers. Donc, ça fait comme dislike. Un pouce par en bas. Par en bas, oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Je me demandais qui avait volé mon style, mais bon. On mettra pour le plaisir dans les notes, là, pour au moins montrer c'est quoi. Mais j'ai dit ça à la blague quand tu m'as envoyé ça. Je dis, quelqu'un a volé ton style de faire des photos. Le clin d'œil est quand même là. C'est comme si tu avais un watermark dans ton style. Tu sais, c'est intégré à ce qu'on voit. Très bon segue pour tout à l'heure. C'est une réflexion. Un watermark dans une flaque d'eau. Hey, c'est ça. Hey, hey, hey. Ça fait inception. Mais aussi, je pensais qu'à. Le 15-20 ans, quand j'étudiais en cinéma au cégep, je voulais être réalisateur et scénariste, mais j'étais un peu paresseux et je n'avais pas la confiance pour l'être, donc je ne me suis pas encore rendu là. Mais je voulais écouter aucun film. Je me disais, si je me mets à écouter des films, je vais vouloir trop copier tel film, tel film, tel film. Puis là, je trouve que je suis rendu comme à l'autre opposé là, ces temps-ci, donc à force de trop voir le film, mettons. Tarantino, ça lui sert, donc ça pourrait servir dans la photo. Mais... c'est intéressant, ça. Jusqu'à quel point on s'inspire. Oui, bien, il y a eu un documentaire. qui s'appelait Everything is a Remix. Donc, tout est remixé de quelque chose d'autre. On est influencé consciemment ou inconsciemment par tout ce qu'on a vu à ce jour. Même des fois, on a aperçu quelque chose, puis on n'y a pas vraiment porté attention, mais à un moment donné, tu te dis « Ah oui, c'est vrai, ça me fait penser à tel truc. » Puis peut-être que moi, j'ai été sans voir, tu sais, consciemment quelque chose, mais quand je me suis mis à photographier, disons, au World Press Photo ou à des endroits comme ça, dans des galeries d'art ou des expositions, photographier les gens qui regardaient les œuvres, pour moi, ça a été une inspiration spontanée, puis j'ai tout de suite aimé ça, mais peut-être que j'ai vu des photos avant, peut-être que j'ai vu, tu sais, aucune idée, mais généralement, tu sais, c'est très difficile de vraiment avoir un truc 100% original qui a eu aucune inspiration externe. Là. Mais bon. Je pense que c'est correct de s'inspirer aussi. Ben oui. C'est la ben copie là, qu'il faut éviter, mais entre la copie et l'inspiration, il y a quand même une grande marge, je pense. Absolument. C'est ça. Ben, si tu t'inspires, ben comme Tarantino. T'sais. Tarantino yes. s'inspire d'un paquet de trucs, mais il met vraiment sa signature, son style, son histoire. Puis là, ça devient complètement autre chose. Mais oui, tu reconnais des trucs de plein d'autres choses qui ont été faites par le passé. Là. En musique, façon, je trouve que... Oui, vas-y. Mais aussi avec le nombre de publicités, d'images, ce qu'on voit, à moins d'être Henri David Thoreau, d'être vraiment reculé, c'est impossible de ne pas être inspiré. On voit 2-3 000 publicités. Tu vois sur Facebook, tu vois même une demi-heure par jour, tu vas te ramasser avec des images, avec des cycles, des choses assez vite. C'est beaucoup la mode sur ces réseaux. De copier, donc. Mais nonobstant de ça, il y a aussi une certaine, comment je pourrais dire, il y a des limites à ce qu'on peut recréer et refaire. Tu sais, il y a des affaires que, tu sais, ça me fait tellement rire de voir des artistes, mettons, je sais pas moi, un artiste d'Angleterre ou quelque chose comme ça, puis tu dis, hey, ça me fait penser à un artiste québécois, il y a des tunes, ça m'est arrivé l'autre fois, puis j'ai dit, cette chanson-là me fait penser à une... Mais ça, les chances qu'ils se connaissent l'un l'autre, c'est presque impossible, mais tu dis, en même temps, mettons comme de la musique, je te dis, il y a une certaine chose, il va toujours avoir des choses qui vont se ressembler dans la musique. Tu peux pas arriver pour faire quelque chose complètement neuf, c'est presque impossible. Ben, à l'ère d'Internet, c'est pas grave, il peut avoir une exposition quelconque à cause d'Internet, par hasard, tu sais, un truc téléchargé possible, ou visionné. Mais à l'époque, il y avait des courants qui naissaient dans plusieurs coins du globe à peu près en même temps, mais le voyage n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Tu sais, se payer un voyage d'avion ou même avant ça, de dire « Ah oui, il y a tel mouvement qui est né », mais les gens n'entendaient pas nécessairement parler de ces trucs-là, là, à moins de faire de la correspondance écrite. Ou d'avoir des cassettes, là, c'est ça. Mm-hmm. Oui. Mais aussi, on dit qu'il y a trois personnes dans le monde qui ont la même idée en même temps parce que c'est une expression qui vient des plusieurs grandes inventions du monde. C'est j'ai pas vraiment d'idée dans la tête, là, mais il y a un gars aux États-Unis, genre en 18e siècle, un gars en Allemagne, un gars en France qui n'avait aucun moyen de contact, justement, puis qui arrivait. Exact. C'est sûr que c'était l'évolution en même temps des idées, un peu la technologie, mais ça arrivait souvent qu'il y avait deux, trois personnes qui arrivaient en même temps, même idée, puis hop. Exactement. Justement, dans le musée des instruments de musique du Kazakhstan, j'ai appris que les Kazakhs avaient inventé l'accordéon, mais les Russes aussi l'ont inventé, les Anglais aussi l'ont inventé, les Français. En tout cas, il y a bien du monde qui a inventé l'accordéon. Il était juste tout un peu différent, là, mais c'était le même principe de truc en papier qui fait du vent et qui a des clés. Mais pour la musique, en tout cas, moi, je trouve que la musique populaire, là, c'est rendu excessif, là, la copie, là. Oui, par exemple. J'écoute pas beaucoup ça, mais quand j'entends la radio commerciale, je me rends compte que c'est toutes les tunes de ma jeunesse en oui, sample, des remix, avec un nouveau chanteur par-dessus qui chante. Oui, ça, c'est un peu intense. Ouais. C'est vraiment intense, là, ces temps-ci. Là. Il n'y a quasiment plus une chanson qui sort qui est pas, qui vient pas d'ailleurs. Puis j'ai trouvé le site whosampled.com, puis j'adore ça, parce que là, tu vas voir d'où vient tel sample. Tu sais, des fois, tu écoutes une chanson, oh my God. Deux secondes, tu es comme « Hey, attends, je connais ça! » Puis surtout dans la musique électronique, il y a plein de bouts de samples partout. Fait que sur whosampled.com, là, ça te ramène... Les originaux, là, c'est quasiment tout le temps là, des affaires de jazz ou des vieux vinyles. Oui. De Nouvelle-Orléans là, qui ont été samplés. Il y a beaucoup, il y a eu beaucoup d'inspiration justement de jazz ou de musique comme ça, puis tu entends juste des petits échantillons, mais puis là, tu les reconnais pas parce qu'ils ont été retravaillés ou tu sais. Mais bref, on s'éloigne un peu du sujet. Mais... Ouais, ça, je veux dire, toi, t'en as-tu eu de l'inspiration, Stéphane, sur des choses? J'ai fini par avoir de l'inspiration. j'ai fait non pas une, non pas deux, mais trois séances photo de portrait. Donc, c'était pas prévu. Et avec deux sujets différents. La première, j'étais avec une amie, puis à un moment donné, j'avais mon appareil photo, puis je disais, ah, ben, je pourrais refaire, tu sais, l'éclairage me paraissait bien, tout ça. Fait j'ai dit, je pourrais te prendre en photo. Puis je l'ai pris tout simplement, son visage, puis elle était appuyée comme sur une table, puis, où elle avait sa main comme en dessous de son menton. Puis j'ai pris son portrait, puis j'ai fait, OK, cool, parce que à l'arrière, c'était super sombre. On voyait vraiment juste son visage illuminé avec sa main. Puis ça a donné que c'est sa nouvelle photo de profil. Elle est bien aimée. Oui, c'est ça. Sa photo de profil Facebook, ça dit que c'est un seal of approval. C'est pas pire, oui. C'est ça. Mm-hmm. Je trouve ça toujours le fun, toujours intéressant quand même quand quelqu'un met une photo que j'ai prise comme photo de profil. Puis évidemment, il y a ma copine Émilie avec qui j'ai fait deux séances photo. La première, c'est ça, elle avait vu un concept. C'est elle qui avait vu le concept d'un veston déboutonné avec rien en dessous, puis là, assise sur un fauteuil, puis tout ça. Fait qu'on a pris des photos dans ce genre-là. Ouais, c'est ça. Dans les notes d'épisode, là, vous allez voir. Là, j'ai dit, jette-moi un regard, genre, pas... comme dans la pub, pas méchant. Menaçant. Mm-hmm. Puis elle a pris un regard intense, puis elle aime vraiment poser, justement, fait que c'est super facile de la guider, puis souvent elle a même des idées elle-même. Donc, c'est très facile et agréable. Donc, ça a été le fun au point où on s'est dit, ben on va en faire un deuxième, donc le week-end d'après, puis ou deux semaines après, je ne me souviens plus. Puis là, ben, on avait un autre concept, c'était plus comme avec... Des gants en latex qui faisaient beaucoup comme... tu sais, qui avaient des réflexions intéressantes dessus. Puis j'en ai mis une, elle est hyper sombre, là, mais j'en ai mis une sur mon compte Instagram où tu vois juste les mains, c'est coupé genre au poignet, là. Tu vois juste les deux mains, puis c'est noir sur noir. Là. Tu vois juste comme les contours des mains puis des réflexions de la lumière. Puis j'ai pas mis d'éclairage de studio, là. C'est... mes lumières. En fait, j'ai pris mes Philips Hue dans mon sous-sol et j'ai changé la couleur. Puis il y a quelques photos qu'on a faites avec un éclairage complètement bleu ou mauve. Puis il y en a d'autres avec un éclairage complètement rouge. Puis la prochaine photo que je vais mettre sur Instagram dans les prochains jours, elle, c'est un fond rouge. Donc les mains ressortent vraiment plus. Donc c'était vraiment intéressant. Puis, c'est ça, pour ceux qui sont amis avec elle sur Facebook ou si vous la suivez sur Instagram aussi, vous avez vu l'autre photo qui est vraiment comme... est nue, en tout cas, torse nu, puis elle a les gants qui cachent, qui sont comme un peu devant son visage et devant sa poitrine, tout ça. Donc, des photos un petit peu plus... osées, mettons, mais c'est moi, pas... Moi, mettons, mais pas... Tu sais, ça reste dans l'artistique c'est de bon un goût. Peu, dans le portrait. Ouais, c'est de bon goût. C'est ça. Donc, de toute façon, moi, j'ai pas d'intérêt à faire des photos vulgaires ou pornographiques ou sexuelles trop, des trucs comme ça. C'est en autant que, tu sais, que ça soit visuellement intéressant aussi, puis... ça peut être sensuel sans être de mauvais goût. C'est ça l'affaire. Mais non, c'est ça. Mais je parle j'en pas ai fait sexuel. Une... Sensuel, non, non, mais... oui. Oui, mais tu sais, j'ai fait une session nue il y a plusieurs années de ça. Puis honnêtement, il n'y a pas une photo qui est sexuelle. C'est des photos sensuelles et pourtant la fille était nue. Mais la nuance, elle est là parce que ce que je voulais, c'était pas, tu sais, je voulais pas les jambes écartées puis qu'elle nous regarde puis en voyant, c'est pas ça que tu veux. Tu veux quelque chose d'intéressant, de sensuel, dans certains cas, un peu provocateur, ça peut être intéressant, dépendant de ce que tu veux faire, mais tu sais, dans les meilleures, c'est étonnant, mais si, dans celles que moi qui étaient mes préférées, tu la vois pas tant que ça, c'est des parties du corps et tout ça qui sont intéressantes, ça peut être le fun, tu sais, mais c'est ça. Ça dépend de ce que tu veux, mais c'est ceux-là qui sont plus intéressantes, selon moi. Là. Ben oui. Ça laisse quelque chose à découvrir, quelque chose voilà. de mystérieux. Exact. C'est ça, faut que ta photo raconte une histoire, faut que ta photo... pique ta curiosité ou viennent te chercher à un certain niveau. Ça peut pas être juste comme ben voici, puis je sais pas. Moi, je trouve que quand justement tu as une idée, tu as une démarche, tu as la personne qui a aussi soit une idée ou soit que elle dit « OK, guide-moi » ou qui se prête au jeu. Puis même quand tu guides quelqu'un, à un moment donné, la personne, spontanément, des fois, elle va changer de position, puis elle va se mettre plus à l'aise. Puis là, déjà, tu le sens dans la posture, mm-hmm. dans la photo, puis ça se transmet. Donc, ça devient intéressant aussi. Là. Parce que c'est sûr, c'est rare que les deux, trois premières photos que tu prends vont... Tu sais, puis je parle pour les auditeurs aussi, là, s'il y en a qui commencent dans la photo de portrait, que ça soit... C'est pas obligé d'être du nu, là, même juste prendre une photo de quelqu'un, un portrait, la personne n'est pas à l'aise les deux, trois premières mm-hmm. photos, même peut-être les sept, huit premières photos. Mais à force de discuter avec, puis de dire « OK, on va essayer ça », puis « Ah oui, c'est bon », puis l'encourager, puis trouver que oui, finalement, il commence, on a une bonne première photo. Puis là, on dirait que tout s'imbrique, tout s'enchaîne, puis là, ça s'en vient. Il oublie que l'appareil existe après un petit bout, ça aussi, ça paraît. Là. C'est ça, parce que c'est intimidant, un objectif, là, au départ, tu sais, quand... Même moi, là, moi, j'aime pas me faire prendre en photo. Puis mm-hmm. c'est comme, on va prendre une photo de groupe. Puis là, t'es comme, OK, une chance, on est comme six. Fait que c'est pas si mal. Là, mais je veux dire, moi, prendre la pause, j'ai pas d'intérêt vraiment à ça. De toute façon, on l'a déjà dit souvent, je pense, dans le passé, mais souvent, les meilleures photos, c'est quand le sujet, c'est pas que l'appareil existe. Oui, alors ça, j'adore ça. Les photos candides, là, ou de, tu sais, un peu à l'insu, mais ça, il faut faire attention. Pas à l'insu d'un étranger, d'un inconnu, d'une étrangère. Là, on ne fait pas ça quand même, là, ou sinon, mais à la limite. C'est des photos prises de personnes qui sont en train de faire quelque chose, mais qui sont conscients que tu prends une photo d'eux autres, idéalement. C'est ça, exactement. C'est qu'à un moment donné, tu dis, continue tes trucs, tu sais, je fais juste faire des tests, puis là, à un moment donné, clic. Puis moi, ben c'est ça, mon ex était enceinte de mon fils. Puis à un moment donné, j'avais dit, je vais arranger mes réglages parce que je commençais en photo, tu sais, on parle en 2009. Puis j'ai dit, je vais arranger mon appareil, je vais m'assurer que tout est correct. Mais j'ai dit, occupe-toi pas de moi, tu sais. Puis à un moment donné, elle s'est appuyée sur la bassinette, puis elle s'est mise à réfléchir. Puis là, c'est là que j'ai claqué la photo. Ouais. C'était là. Parce qu'elle avait un air pensif, était vraiment... Elle ne s'occupait pas de poser ou de me regarder ou quoi que ce soit. Puis c'est cette photo-là, j'ai dit, regarde, j'ai déjà la photo, on a fini. À moins que tu en veuilles d'autres. Elle dit, c'est bon, je l'aime. Puis ça a été réglé. C'est ça. En tout cas, c'est tout ça pour dire, en tout cas, j'espère que juste ce petit échange-là, si vous faites de la photo de portrait, si vous commencez en photo de portrait, n'hésitez pas à justement dire, tu sais, relax, prends pas la pause inutilement. Je vais regarder, je vais faire des tests de réglage avec mon appareil, tout ça. Puis à un moment donné, tu dis, OK, ben regarde vers moi juste pour voir. Puis, puis à un moment donné, la personne, elle ne stresse pas parce qu'elle dit, il fait des tests. Tu sais, fait que... puis là, tu dis, regarde, celle-là, je l'aime. Puis là, tu lui montres, oui. Là, la confiance embarque. Puis là, tu peux partir de ta séance photo. Puis c'est merveilleux. Et mine de rien, tu viens d'expliquer l'aspect psychologique. Important du photographe, que c'est pas juste la technique, puis d'avoir un bon éclairage, puis de connaître ton exposition, puis tes paramètres, c'est aussi de rendre les gens confortables, puis de travailler avec... Il y en a qui le font avec l'humour, il y en a qui le font mm-hmm. « parle-moi de toi, qu'est-ce que tu fais », puis tu sais, justement, pour détendre l'atmosphère, puis il y en a que ça va être, comme moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, « je vais faire des tests », puis c'est pas toujours ça, évidemment, là, mais ça m'est arrivé, puis que j'ai remarqué que deux ou trois fois, j'ai dit à la personne « occupe-toi pas de moi », puis finalement, j'ai sorti comme « waouh, j'adore cette photo-là », tu sais. Mm-hmm. Mais je fais toujours des tests au début, là, c'est normal, tu sais. Ben oui. Ben vite, je viens de me souvenir de quelque chose, c'est une de mes meilleures photos que j'avais faites, la fille, j'étais assez gênée devant la caméra, puis justement, ça, on avait une conversation, là, on était assis face à face, puis on parlait, puis quand je parlais pas, c'était comme... un petit peu la pause, puis après ça, on continuait, puis quand c'était à mon tour à pas parler, je prenais la pause, donc elle avait tout ça à la caméra d'en face, elle mitraillait un peu, mais je pensais moins à la photo comme ça. Ça me fait penser, pour les auditeurs français, gêné au Québec, on utilise ça pour dire timide. C'est pas que la personne était gênée de se faire photographier, elle était timide devant l'objectif. Juste pour éviter la confusion. La gêne. Ou faire passer Maxime pour un creepy en photo. Ouais, ça elle était gênée, c'est quoi, mais gênée elle photographiait tout de même. C'est comme... Tant pis. Mais, gênée en France, C'est comme mal à l'aise. C'est ça. Peut-être pour finir ça, moi, avec un zoom, là, le nombre de fois que j'aurais voulu prendre des photos en voyageant, là, justement de cette approche candide, mais que j'ai pas osé parce que j'avais donc peur de d'insulter quelqu'un ou quelque chose comme ça. Puis je le vois, là, il y en a plein qui le font. Là, je regarde des vidéos de traveler YouTubers là, qui filment tout le monde sans demander à personne. Là, mais moi, j'ai vraiment comme un blocage. Là. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, de rien comprendre autour de moi. Puis tu donnes un bon truc, par exemple, juste rapido, là, parce que ça aussi, ça m'a. Tu as fait quand même plusieurs sessions photos dans des studios. Puis dans les meilleures que j'ai faites, personnellement, je trouve, j'avais un 70-200, puis j'étais loin. Ouais. J'étais assez loin des personnes. Puis au début, j'avais, comme je te dis, une bonne distance. Puis on dirait que ça dégénait plus rapidement parce qu'il oubliait encore plus rapidement que j'étais là. Puis après un bout, je commençais à me ravancer pour faire des plus gros plans, des affaires comme ça. Mais tu sais, là, au début, je suis comme pas là, là. Ils faisaient leurs choses. Puis avec des enfants particulièrement, si vous voulez faire des photos de même, c'est l'idéal parce que tu te places loin, que ce soit dehors, que ce soit dans un studio, que ce soit, tu te places plus loin. Allez-y, là, faites vos affaires, puis tu prendras tes photos. Puis là, tu peux faire des beaux zooms sur le visage, tout ça, parce que tu as un zoom intéressant avec ça. Car ce sont tes enfants, évidemment, pas. Hein, parce que dans un parc, vous allez vous faire regarder. T'as trop d'idées comme ça, Stéphane. Ça commence à être bizarre, là, ton affaire. Non, mais on parle de sujets et compagnie. Donc c'est important. Mais c'est là que je m'ennuie de travailler dans les médias aussi, parce que dans le monde des médias, tu as le droit de prendre des photos dans le public. Puis c'est ça, j'ai comme perdu ce droit-là en arrêtant d'être journaliste. Bon. C'est pas que c'est pas intéressant, mais on a passé la demi-heure juste Ça m'étonne pas. On va passer au bloc nouvelles parce qu'on a quand même plusieurs nouvelles. Christian, tu nous parles d'un nouvel objectif. Oui, bien, en fait, c'est la compagnie Samyang qui font des objectifs depuis un certain bout de temps pour Fuji, pour d'autres manufacturiers. Mais comme j'avais parlé récemment, maintenant, c'est rendu qu'on peut avoir des objectifs avec autofocus de compagnie tiers, ce qui était quelque chose qui était un problème là, pendant longtemps chez Fuji. Puis Samyang vient d'annoncer leur 12 mm F2 avec autofocus pour X-Mount, pour Fuji. Ce que je trouve qui est une très bonne chose, parce que moi, je l'ai cet objectif-là, mais l'objectif manuel, que j'aime quand même beaucoup, parce qu'il est très polyvalent, justement. Tu sais, je veux dire, on a F2, 12 mm, fait que c'est super le fun à utiliser, vraiment. Là. Mais lui, son défaut, ça reste quand même c'est l'autofocus. Là. Plus souvent qu'autrement, je le laisse au plus grand, puis ça règle le problème. Plus souvent qu'autrement, ce n'est pas vraiment un problème parce que c'est des paysages qu'on va faire avec ça. Mais reste quand même que dans certaines situations, c'est plus tannant, ça aurait été le fun, l'autofocus. Puis justement, il s'en vient maintenant. Puis il y aurait aussi même une meilleure qualité pour les couleurs si apprécié justement du Fuji. Puis un petit peu plus léger, ce qui n'est pas désagréable. Pourtant, c'est pas le plus lourd non plus. Fait que non, je serais curieux de mettre la main dessus, honnêtement, mais bon, on n'a pas trop de contact de ce côté-là de la Chine, mais si le moindrement aussi bon que celui que j'ai, mais juste avec un autofocus, ça va être, je pense, quelque chose d'intéressant. Puis justement, vu que c'est pas... c'est pas un objectif Fuji, ben, il est beaucoup moins dispendieux. Ça peut être un choix intéressant pour beaucoup de monde. Là. J'ai malheureusement pas le prix sur ce site-là, mais je m'attends là, à voir le connaissant, là, ça doit être 500-600, peut-être 700$, ce qui est quand même raisonnable là, pour ce genre d'objectif-là. On va voir, mais si je le vois le prix éventuellement, je vous le mentionnerai, là, mais pour le moment, je ne l'ai pas. Parfait. J'ai vu, je ne sais pas s'il est à autofocus, lui. C'est-tu le SY12M FXBK? Si oui, il serait 270 américains. Non, c'est Samyang non. Autofocus 12 mm. Ouais, c'est ça. Pas autofocus, non, c'est pas le nouveau, c'est ça. Donc, non, peut-être s'il n'est pas sorti, c'est plus difficile un peu peut-être d'avoir le prix. Là, mais, il te manque un 200$ pour le mécanisme autofocus. De moteur. Oui. Puis évidemment, ben, comme c'est Fuji, donc APS-C, le 12 mm équivaut à 18 mm environ, 1,5. Ben, on pourrait, comme je disais, tu vois, je suis quand même pas si pire. Je disais 500-600, mettons. Si, je dis que la version Sony est 400 US. Okay. Fait que ça devrait être à peu près ça, là, 500 $. Ce que je trouve quand même raisonnable là, pour ce genre d'objectif-là. C'est quand même de la qualité. Là. Ils sont assez bien assemblés, étonnamment. Là. C'est mieux que c'était au début. Ouais. Les Samyang, les premiers, je me rappelle, je pense qu'on en avait parlé dans les premiers temps du podcast. Là, c'était pas fantastique. Bon. Parfait. Toi, Patrick, de ton côté, tu nous parles de photographie de calcul avec les nouveaux Pixel 6 de Google. Entre autres, oui, parce que tous les téléphones, même les bas de gamme maintenant, font un peu de photographie de calcul, puis ça fait un peu le pont avec le sujet de notre dernier épisode où je parlais des appareils photo Android. Mm-hmm. À l'autre côté du spectre, il y a les téléphones qui ont des appareils photo. Puis la photographie de calcul, mais ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué dans les dernières années. Si on pense au début... Parmi les premiers, il y avait HTC là, qui avait fait un téléphone avec deux objectifs. Le deuxième calculait le flou artistique, puis il avait commencé un peu ce flou-là qu'on connaît bien maintenant, là, le faux bokeh. Mais au début, là, c'était des trucs assez primitifs. Puis là, avec les évolutions des téléphones, on est rendu avec le Pixel 6 qui a été annoncé il y a quelques semaines, qui inclut beaucoup d'aspects intéressants. Essentiellement, ce que ça fait, ce sont des choses qu'on pouvait faire avec des habiletés de Photoshop. Mmh. Ça prenait du temps, on s'installait, puis on pouvait faire ce genre d'action-là. Mais maintenant, ça se fait assez instinctivement ou presque automatiquement sur l'appareil. Parmi les fonctions de photographie de calcul intéressantes du Google Pixel, il y a l'effaceur magique. Donc, on prend une photo, c'est notre fameuse photo de... l'Arc de Triomphe, où est-ce qu'il y a tout le temps des touristes autour, ou de... je suis en France, là, mais je pourrais bien être le Parlement canadien aussi. Là. Mm-hmm. Il y a toujours des touristes sur notre scène, ou même en ski, sur une montagne, quelque chose comme ça. Mais la fonction d'effaceur magique permet d'effacer des choses ou des gens. J'ai vu des exemples où on a effacé deux gros dumpsters devant un terrain de baseball, puis c'est assez impressionnant d'avoir réussi à effacer complètement le dumpster puis recréer le terrain de baseball qui est en arrière. Là. Mm-hmm. Parce que ça, c'est embêtant. Tu arrives quelque part, c'est super beau, puis là, tu as une poubelle. Quelque chose, oui. Un poteau. Les maudits poteaux. Quelqu'un qui passe en arrière. T'as quelqu'un qui passe en arrière. Toute ta photo, tu sais, tu en prends 3-4 photos, puis il y en a 2-3 qui sont bonnes, mais la meilleure, il y a quelqu'un qui a passé juste en arrière. Ben, tu peux l'effacer avec ça. Je n'ai vu une aussi comme ça. C'est quand même bien, là. C'est intéressant. Oui, puis c'est sûr que peut-être une fois développé sur un gros canevas, ça paraît, là. Mais pour un usage de téléphone, c'est assez impressionnant. Puis l'effaceur magique se fait facilement sur ton téléphone. Tu sélectionnes les objets, tu recommences si tu ne trouves pas ça beau, puis ça se fait assez vite. Ils ont aussi une autre, on parlait du faux bokeh, mais il y a l'inverse. Ils font ils te permettent d'enlever un flou sur un visage. Donc, par exemple, quand tu prends une photo avec ton téléphone, c'est un petit capteur, ta luminosité n'est pas optimale, le visage de ton sujet est un peu flou. Bien, ce que fait le Pixel, c'est qu'il utilise sa deuxième caméra, parce qu'il y a une caméra grand-angle en plus de sa caméra normale à l'arrière. Puis, il fait un mélange entre les deux. La grand-angle essaye de capturer le moment sans nécessairement la bonne exposition, tandis que ta caméra principale, elle, prend la photo. Puis là, il va aller figer ton visage, donc améliorer la clarté du visage sur ta photo. Fait que ça, c'est une autre fonctionnalité intéressante. Il y a à l'inverse le motion mode qui fait exactement l'inverse. Donc, l'exemple qu'il nous donne dans l'article de DP Review, c'est une grande roue en arrière avec deux personnes qui prennent une photo et la grande roue est floue parce qu'il y a le mouvement de la roue qui tourne. Donc, en plus d'ajouter un flou comme le faux bokeh, on ajoute un flou de mouvement. Donc ça, c'est une autre fonctionnalité qui est intéressante, mais qui fonctionne un peu de la même façon là, que le flou de bokeh. C'est juste qu'en plus, on vient appliquer un mouvement là, dans l'image à l'arrière. Puis il y a le Real Tone aussi. Moi, je n'étais pas au courant de ce problème-là, mais avec les couleurs de la peau, notamment les gens qui ont la peau très foncée, il y avait vraiment un problème avec les appareils photo et la photographie de calcul, parce que il y avait tout le temps une teinte un peu, ils appellent ça barre de chocolat. Là. Tout le monde finissait à peu près avec le même teint, puis deux personnes noires qui avaient un teint différent sur la même photo disaient « Ah, regarde, quand je prends une photo avec mon téléphone, on a le même ton. » Alors que dans la vie, c'est pas ça. Donc ça, Google a beaucoup travaillé là-dessus parce que c'était il paraît que c'était vraiment devenu un problème puis que les gens n'aimaient pas ça de se voir avec une autre couleur de peau que la leur. C'est sûr. Donc, ils ont beaucoup travaillé. Puis, tu sais, le fait qu'il y ait beaucoup de photos qui sont HDR maintenant, ça fait que les tons de peau peuvent se détruire assez vite. Là. Fait que c'est ouais, important vraiment. D'essayer de... Tu ouais. mélanges le HDR à l'équilibrage des blancs automatiques, ouais. à l'exposition automatique. Là, ça fait tout un beau mélange qui fait que... Remonter même les nous, ombres. Des fois, on a le teint verdâtre ou trop rouge. Ben, et c'est clair qu'il y a des problèmes aussi avec les autres teints de peau. Là. C'est ça. Fait que c'est surtout des fonctionnalités qui sont amenées avec le nouveau Pixel que je trouve intéressantes. Puis chacun essaie, Samsung aussi a ses fonctionnalités de photographie de calcul comme ça. Mais je pense que tranquillement, on s'en va vers un monde où on peut vraiment plus se fier aux photos qu'on prend avec nos téléphones parce que ouais, c'est tellement facile à modifier sur le champ instantanément que même quelque chose qu'on voit en direct maintenant peut... peut facilement être biaisé. Puis, c'est-tu encore de la photographie? Non, OK, c'est beau. On a ben moi, je dis que oui, parce qu'en studio, ouais, les gens utilisent Photoshop. Tu sais, comme quand tu vas faire ben, un oui, photoshoot, là, les gens, ils retouchent quand même leurs photos. Oui. J'ai vu une magnifique photo d'un un ciel étoilé au-dessus d'une ville, puis ça, puis la personne disait que c'est 200 photos en tout et partout oui. qui ont été utilisées pour wow. faire ça. T'es comme, OK, c'est beau, là, mais sérieux, là, ce que je vois là, c'est... Ben, tu peux pas ben, tu pourrais peut-être le voir avec tes yeux, mais justement, parce que nos yeux sont beaucoup mieux adaptés à ce genre de trucs-là. Mais il y a aussi la photo, la macrophotographie avec ce qu'il appelle le focus stacking, où là, mm-hmm. tu vas avoir comme 20 ouais. photos prises à 0,5 mm de différence chaque pour la mise au point parce que la profondeur de champ est tellement mince en macrophotographie que tu dis, ben sinon, j'ai 1 mm sur mon insecte qui est au focus, puis le reste ne l'est pas. Mais là, tu prends comme 10, 15, 20 photos et là, tout ton insecte, tu as une assez bonne profondeur de champ tout en étant vraiment très rapproché de ton sujet. T'sais. Donc, c'est des trucs que les gens utilisent. Puis, tu sais, la technologie est là. Photoshop c'est ça, c'est et pas Lightroom, nouveau. C'est la chambre non, noire, c'est moderne, là, c'est tout. La photographie de calcul, c'est que ça le donne à tout le monde, même ceux qui n'ont pas les compétences. Un peu à l'image des timelapse qu'on peut tous faire maintenant avec un iPhone en partant la fonctionnalité timelapse. Avant, il fallait prendre tes photos, ajuster ton exposition quand le soleil se couchait. C'était compliqué, là. Mettre toutes tes photos, toutes les ajuster, assurer que tout est beau. Puis après ça, mettre ça dans une séquence vidéo. Fait que, tranquillement, ces fonctionnalités-là permettent aux gens de faire des choses qui avant était réservé à une élite qui avait les capacités techniques. Mm-hmm. Parfait. On reste du côté de Google parce que saviez-vous que Google permet maintenant aux mineurs de faire retirer leurs photos en ligne? Donc, tous les gens, les jeunes qui n'ont pas 18 ans, donc qui ne sont pas en âge légal dans bien des pays en tout cas, peuvent faire en sorte que leur photo n'apparaîtra pas quand tu cliques sur une recherche Google dans l'onglet « Images » ou dans « Petite vignette », ces trucs-là. Puis, donc, ça peut... Évidemment, ça n'enlève pas les photos si la photo de quelqu'un est publiée sur un site web, sur un blog ou un truc comme ça, mais dans la recherche de photos... C'est juste plus dans le moteur de recherche. Dans le moteur de recherche lui-même, mettons, ça n'apparaît plus. Donc, il suffit d'aller sur une nouvelle page du soutien, du support technique de Google. Et puis, on active cette nouvelle fonctionnalité-là. Et puis, c'est un bouton qui dit « Démarrer la requête de retrait, si tu veux, du moteur de recherche. » Et après ça, bien, il y a des étapes. Il faut suivre les étapes. Puis, vous allez voir, vous allez avoir après ça une confirmation ou une infirmation de la demande. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez resoumettre la demande. Les étapes, c'est genre envoyer ta photo à Google, envoyer ta date de naissance à Google, ton nip à Google. On a eu la même idée. Non, ce que ça dit, il faut soumettre un URL, donc un lien. Il faut que l'image comprenne un individu identifiable sous 18 ans, donc moins de 18 ans, et que l'individu fasse lui-même la demande ou que ce soit un tuteur légal, donc une personne qui a la garde légale, donc un parent ou justement quelqu'un qui a la garde légale. Et après ça, la requête est envoyée. Ça va être quand même laborieux puis chronophage, il me semble, de vouloir retirer une photo de soi. Mais là, tu enlèves peut-être une photo, c'est ça? Un URL, mais là, on parle de photographie de calcul, d'intelligence artificielle. C'est pas loin le moment où on va dire, tu sais, Facebook nous identifie et Google Photos nous identifie. Moi, je reçois des albums des fois. Hey, voici des photos d'Émilie, ta copine, et là, tu as toutes les photos des 5 dernières années. Ouais, ouais. Là, tu fais comme, OK, ils sont allés fouiller dans toutes mes photos que j'ai sur Google Photos pour me ressortir ça sans mon consentement. Mais c'est oui, tu as consenti, tu utilises Google Photos. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, j'ai cliqué, j'accepte sur les 240 pages sans les lire. Donc, tu sais, c'est un peu ça, pareil. Puis c'est pareil, tu vois, je regarde, moi, je suis sur iOS, sur mon iPad, puis l'autre fois, il me sortait justement des souvenirs comme ça, puis c'est toute ma fille, toutes les photos, puis il est allé fouiller dans toutes les photos, il a réussi à la retrouver sur toutes les photos, puis même, tu sais, c'est impressionnant pour vrai, tu sais, quand on dit qu'ils sont capables de faire des affaires incroyables, il y en a une, là, c'est être habillé, tu sais, comme l'hiver, puis sa photo, sa face, elle est minuscule sur la photo, puis il l'a retrouvée pareil. Tu te dis tabarnouche, sérieusement, c'est... Alors, le week-end dernier, Google a sorti toutes les photos sur le téléphone de ma copine, toutes les photos de moi avec un verre de vin en main. Ah! C'était genre santé ou un truc comme ça, le titre de l'album, et il y en avait 7-8 au moins, là, peut-être même plus. J'ai juste fait comme, OK, c'est rendu, tu sais... Ils vont t'es voir rendu le... sous long, c'est ça que tu voulais dire? Non, c'est ça, ouais, je pense que c'est une intervention. Genre, de... oui, c'est une intervention de la part de Google. Oui, c'est ça. Des fans de ma plus copine. Alcool, c'est ça. Avec la maison Jean Lapointe, là, à consigne. Mais bref, tu sais, ça va loin, l'intelligence artificielle. Donc, vraiment. Il suffit que tu soumettes une photo et éventuellement, Google va peut-être demander, je crois, tu sais, nous croyons vous avoir identifié, est-ce que vous voulez aussi retirer ces photos-là? Mm-hmm. Et là, tu fais oui, puis c'est fini. Là. C'est la prochaine étape, j'imagine, là. Et c'est chances. Tant mieux parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas que les photos de leurs enfants soient sur Internet ou des enfants eux-mêmes qui ne veulent pas que leurs photos soient partagées. Ça peut donner lieu à de l'intimidation à l'école ou des trucs comme ça. Donc, ça peut être une bonne chose là, de pouvoir bloquer ça dans les moteurs de recherche. Il faudrait aussi bloquer tous les parents qui mettent trop de photos des enfants des autres sur Internet. Oui. Mais c'est souvent les extrêmes, le trop ou vraiment pas. Là. Et oui. Puis parlant, bon, on reste quand même dans les nouveautés. C'était difficile de faire un lien là, entre ces deux-là. Ah ben, mais... ça en est sorti pas pire. Sony qui a annoncé ou lancé même, tu pourras nous éclairer sur le sujet, le A7 Mark IV, donc A7 IV. Et Christian, je sais que tu as écrit un petit texte pour Best Buy. Donc, parle-nous-en. C'est rare, c'est moi qui vais parler de Sony, non pas Stéphane. Ben, j'avais pas le temps. C'est moi qui je sais. J'ai dit, demandez à Christian, il va être content de le faire. Ben oui, ça me fait plaisir. Donc, c'est ça, on passe. C'est quand même intéressant c'est une bonne évolution, sincèrement. Là, il y a beaucoup d'affaires intéressantes là-dessus. On passe d'un capteur, toujours plein capteur, bien sûr. 24 mégapixels à 33 mégapixels. On est toujours capable de faire des rafales de 10 images par seconde. Puis, on pourrait avoir peur. On s'est dit, oh, on passe à 33 mégapixels, peut-être que ça va diminuer les rafales. Non, ce n'est pas le cas. Puis même mieux encore, la mémoire tampon va permettre de faire 828 images non compressées en RAW et JPEG. Okay. Évidemment, c'est sur une carte CF Express de type A, mais malgré tout, c'est quand même impressionnant. Là, on s'entend. Oui, parce que là. RAW plus JPEG à 33 mégapixels, t'es à... Oh boy! T'es à 60 mégas à peu près la photo, je pense. C'est ça. Au total, là, des deux. Là. Oh, fait que 828. T'as boy. 49 gigas. 49 gigas, OK. Ouais. Une rafale complète. Une rafale de 50 gigs. boy. Ouais, ouais, ça va être long aussi quand même, parce que là, c'est 10 photos à ça. Ouais, en tout cas, ça va rester assez long. Tu sais. Anyways, on va avoir aussi un nouveau processeur Bionis XR qui va aussi aider à avoir une meilleure qualité visuelle, autant pour vos photos en JPEG qui sont rendues à EIF 10 bits. C'est, pour vous donner une idée, c'est le même processeur qu'on retrouve sur l'Alpha 1 qui est le haut de gamme de Sony. Fait que c'est impressionnant là, ce qu'on fait. Je comprends, je comprends le prix maintenant. Oui, oui, quand même. Hein? Puis d'ailleurs, à ce propos, ils ont même utilisé le même système d'autofocus que l'Alpha 1 aussi. On voit que Sony, ils sont agressifs. C'est ce que je cherchais là. Ils sont très agressifs. Ils veulent prendre. Vas-y. Excuse-moi, j'allais dire, déjà le A7 Mark III était vraiment excellent. Mm-hmm. Et il a été difficile à trouver à sa sortie pendant presque un an ou même plus qu'un an et on n'était pas en pandémie, là, mais tout le monde se l'arrachait. Là, j'ose même pas imaginer quelqu'un qui veut s'en acheter un en contexte de pandémie, ça va être infernal. Ben, puis d'autant plus avec les semi-conducteurs là, qui sont de plus en plus durs à avoir, là, ça cause des problèmes dans toutes les industries. Là. Oui. Ou même si tu réussis à le faire fabriquer, à le commander, il peut rester pris sur le paquebot à Los Angeles, où il y a genre 100 paquebots de parkés là depuis des semaines. Exact. Tu vois, tu sais, puis ça affecte tellement d'industries, c'est vraiment hilarant parce que autant j'ai un Kickstarter qui m'a dit que ça devait être livré au début de l'année prochaine, puis qui m'a dit là ça risque d'être plus septembre si c'est pas décembre, parce qu'ils sont pas capables d'avoir les pièces assez vite, les affaires, tout ça. Ou tu regardes là, Tesla que c'est rendu, si tu veux t'acheter une Model 3 en ce moment, c'est septembre généralement prochain que tu vas être capable de l'avoir. Là. C'est intense. Là. Ouais. En tout cas, ça pour dire que l'appareil photo aussi va toujours avoir la stabilisation à même le boîtier comme l'autre, mais on est à 5,5 crans cette fois-ci au lieu de 5. Ça ne va pas faire une grosse, grosse différence, mais ça devrait être quand même très, très appréciable. Mm-hmm. Puis finalement, on peut faire du vidéo 4K à 60 images par seconde. Excellent. C'est en masse. En 4K. Moi non plus. Moi non plus, je trouve ça trop gros. Je trouve ça. C'est pas parce que je suis pas capable de les gérer, mais c'est parce que je sais pas, je vois plus ou moins la plus-value. Là. Pour l'utilisation que toi et moi on en fait, ça n'a pas de plus-value justement. Mais Patrick, peut-être que toi tu tournes en 4K, j'imagine. Oui, mais c'est que ça me permet toujours de changer mon cadre en post-production. Ouais. C'est sûr. Puis il y a beaucoup de monde, j'ai lu beaucoup de monde aussi aime ça, faire ça si ça te permet de stabiliser des images, des choses comme ça post-production. Ça, je le vois, mais nous autres, on est stabilisation fixe, je ne change pas mes affaires, tout ça. Fait que ça fait juste plus lourd pour rien rendu à ce point-là. Mais je livre jamais en 4K. C'est ça. Pour l'instant, je n'ai jamais quelqu'un qui m'a demandé d'avoir ça en 4K. Ça ne m'étonne pas. Fait que, bref, c'est ça, un très bon appareil encore une fois. Puis vite, il y a aussi un objectif de Sony qui a été annoncé il n'y a pas très très longtemps, un petit peu moins qu'un mois, un 70-200 f2.8, le deuxième Mark II dans le fond, c'est le deuxième modèle, mais on connaît tous ce genre d'objectif, l'avantage puis tout ça, mais celui-là en a un quand même assez majeur, ce qui est à dire qu'il ne pèse que 2,3 livres. Pour ce style d'objectif-là, c'est assez phénoménal. Pour avoir 1,1 kg, même pas. Là. Quelque chose dans ce style. C'est vraiment pas beaucoup. Pour avoir fait une session photo, celle que je parlais tantôt, justement, que j'avais un 70-200 f2.8 avec stabilisateur, puis ça pesait une tonne, cette affaire-là, sur le Sony. Pas Sony, sur Canon. Puis passer une journée au complet avec ça, là... Disons que c'est intense, fait que lui, là, qui pèse beaucoup moins lourd avec un appareil sans miroir comme le Sony AS7 Mark IV, je suis convaincu que ça va faire un tabac, comme diraient nos amis. Beaucoup de monde vont être intéressés par ce combo. Si je suis convaincu, non, j'ai eu un flash de François Pérus. Oui, vraiment. Ça ne va pas gêner, en tout cas. Non. Une petite dernière nouvelle, c'est Maxime qui a découvert ça. Olympus, on en avait parlé, ils étaient sur le point de vendre leur branche d'appareils photo, etc., parce qu'ils sont dans l'imagerie médicale et compagnie. Mais la division photo, battait de l'aile et compagnie, donc ils ont vendu tout ça à un consortium japonais, je crois. Et Japan Industrial Partners. Puis là, apparemment que le nom Olympus va disparaître et ça va s'appeler OM ou OM System. Donc, OM, déjà les appareils, hein, Olympus, il y avait le OMD, OMD. Ouais, c'est ça, OMD. Il y avait tellement des noms faciles. Ils ont à peu près les noms les plus longs dans l'industrie. Eux autres, c'est intense leur affaire. Bref. On les raccourcit Olympus à OM, déjà, c'est déjà beaucoup. Oui, ça c'est... Une couple de lettres de moins. C'est ça. Mais c'est quand même... Le fonds japonais a acheté la compagnie au début de l'année, puis il disait qu'il ne voulait pas créer d'anxiété, puis pas changer de nom tout de suite. Donc, là, ils ont attendu jusqu'en automne, mais aussi, c'est sûr qu'ils ont attendu aussi pour consulter les gens. J'avais un professeur d'université à l'université, ils ont changé de cours. Son travail, c'était de trouver des noms de produits. Il était deux, OK. trois, ils avaient leur propre firme, c'était ça leur job. C'était OK. une compagnie allait le voir, puis dit, trouvez-moi un nom pour tel produit, puis l'autre cherchait, puis Je ne sais pas l'ancien si qui avait Facebook, dessus. ils ont fait appel à eux Ah non, autres. non, vraiment pas. Vraiment pas. Mais bref, donc, si vous voyez OM System ou OM Digital, bien, c'est la nouvelle appellation Olympus. Donc, à suivre, on va voir qu'est-ce qui va sortir de là. Je trouve ça toujours un peu particulier parce qu'Olympus existait depuis tellement longtemps. Moi, je pensais honnêtement qu'ils achetaient plus ça qu'autre chose. Dans Là, bien des non. cas, tu sais, comme on a vu, ouais, c'est ça, comme on a vu, je pense c'est quoi, c'est Walmart qui avait acheté Polaroid il y a quelques années, puis des affaires comme ça. Tu sais, tu dis, OK, c'est juste le nom qui t'intéresse dans le fond, mais là, non, ça a l'air d'être vraiment la technologie. OK. C'est comme si tu achetais Coca-Cola, il n'y a personne qui va pouvoir acheter ça. Mais si tu achetais Coca-Cola, mettons, tu payes, je ne sais pas, le 500 milliards. Sur le 500 milliards, tu vas avoir peut-être 200 milliards qui va être le nom seulement. Puis le reste, ça va être Ah, les compagnies, des ci, il y des a des ça. bonnes chances. On connaît plus En cette effet. réfléchir. On vous rappelle que vous pouvez vous abonner à Objectif Numérique sur toutes les plateformes de balado-diffusion, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, TuneIn Radio. Et ben voilà, si vous n'étiez pas déjà abonné, ben c'est le moment de le faire. Ben en fait, après l'épisode. Ils peuvent faire pause, tu sais, ils sont pas comme nous autres. C'est vrai, absolument. On a parlé cette semaine dans notre groupe privé Messenger, on parlait des filigranes, des fameux watermarks. Est-ce que c'est toujours pertinent de mettre un filigrane sur ses photos ou non? Et on s'est tous mis d'accord que c'était pas vraiment pertinent. Donc voilà, vous avez le fruit de notre réflexion. On a Alors, cherché parce que quelqu'un pour pour qu'il faire soit. un débat, puis On voulait Pour faire qu'il un soit débat, ben pertinent. c'est ça. C'est parce qu'il faut que, pour qu'il soit pertinent, il faudrait qu'il soit tellement gros qu'il prenne toute ta photo, comme j'ai déjà vu dans le passé, puis c'est juste, tu vois ça, tu vois pas la photo. Puis si tu le C'est mets ça. juste en bas, ben le monde, il coupe, puis il garde ta photo. Non, C'est mais tout. je Fait que vais ça vous donne pas dire, grand-chose. c'est pertinent dans le cas où tu souhaites vraiment à la base vendre ta photo et tu la mets sur un site de stock photo. Anyway, de toute façon, eux-mêmes, le site de stock photo va mettre son propre filigrane pour Exact. dire C'est X, mieux de la Y, mettre dans les Z. métadonnées, honnêtement. C'est ça. Ou Mais peut-être encore quand là, tu veux c'est. justement vendre tes services, puis que comme toi, là, tu disais tantôt, quelqu'un utilisait une photo que j'ai prise pour Facebook, que j'ai prise pour Facebook, ben là, en mettant ton nom comme photo de profil, là, tu disais ça en début Oui, d'émission, oui, oui, oui. ben en mettant ton nom, la personne va te dire, ah, oh, cette photo-là est belle, puis cette personne-là offre des services de photographie. Fait que dans cette optique-là de photo de portrait, je peux voir qu'il y a un intérêt pour faire connaître ton Oui, nom, là. mais encore là, moi, je demande simplement aux gens, donne-moi un crédit photo avec un Ouais, tag vers mon profil ou ma c'est page encore Facebook mieux. de photographe. Puis là, ben, la personne a juste à cliquer, ou mon compte Instagram, tu sais, la personne a juste à cliquer Mais et elle arrive sur d'autres photos que j'ai faites, puis elle a une meilleure ce idée. qui arrive souvent pour les watermarks, pour avoir fait des photos par des places professionnelles, c'est qu'ils les mettent puis disent, ah, t'sais, voici les 300 photos de la séance, gardez-en 10, mais on met un gros watermark dessus pour éviter que tu prennes la photo puis que tu l'utilises comme tu le veux. C'est souvent ça, dans le fond, que le Oui. watermark est utilisé. C'est pour empêcher que tu puisses faire de quoi d'autre avec ta photo. C'est ça, exactement. Parce qu'un photographe amateur ou même professionnel qui met ses photos sur Internet juste pour diffuser, pour présenter dans des groupes photos, des trucs comme ça, je veux dire, ça donne absolument rien que tu mettes ton Non. filigrane dessus, que tu mettes ton nom. Parce que, je veux dire, c'est tous déjà des photographes amateurs. Oui, Exact. peut-être qu'il y a une pomme pourrite dans le groupe qui va voler des photos pour faire croire à d'autres gens que c'est lui qui les a faites, mais. Il va frapper un mur assez vite quand il va se faire passer une commande puis qu'il ne sera pas capable de livrer la marchandise. Là, on s'entend. Puis comme je te disais tantôt, au pire des cas, il va le prendre, il va recouper ta photo, puis il va l'enlever, le filigrane. Fait que c'est pas. Ben, puis il y a des logiciels même pour le faire. Là, donc, Ouais. tu sais, c'est vraiment pas un L'effaceur problème. magique de Google maintenant qui te permet de le faire sur la route. Exactement. Ouais, c'est ça, J'ai quand même l'impression aussi que c'est quand même du monde. Dans ce que je vois, moi, j'en vois beaucoup passer ces temps-ci. J'ai l'impression que c'est souvent des débutants. C'est une. j'allais dire. Ouais, oui. Peut-être une façon d'avoir plus confiance, à être plus protecteur envers son travail, être plus D'assumer, sérieux, mais De se donner confiance. Soumettre ta photo, c'est ça, de dire eh, c'est moi qui l'ai faite, je mets mon nom dessus, puis là, ben, ça te donne confiance, il effectivement. Il y a peut-être un peu de fierté aussi, jusqu'à un certain oui, point. Parce qu'au début, moi aussi, j'en mettais. Fier de ça. J'en mettais sur mes photos au début, puis tu sais, ou si je mettais des photos dans un article, j'avais mon logo, le technophile, puis. Parce que justement, là-dessus, je suis une caricature accroupie en train de prendre une photo. Mais je trouvais ça amusant quand même, tu sais, au départ. Mais à un moment donné, c'est tellement de trouble de mettre le filigrane à chaque fois. Mais tu sais, des fois, dans Lightroom, tu perds tes réglages ou peu importe. J'avais à le refaire une fois par 6 mois, une fois par année parce que ça se déréglait. Là, j'ai dit à un moment donné, ça suffit, là, le filigrane, on laisse passer. Puis de toute façon, je trouve que ça rend plus justice à une photo de la présenter comme ça, sans artifice, sans nom par-dessus. Et si tu ne veux pas te faire voler ta photo, tu as peur que quelqu'un fasse de l'argent sur ton dos, mais tu ne la publies pas sur Internet parce que de toute façon, ça se copie instantanément quand c'est sur Internet. Je pense que là-dessus, on a été constant depuis le début du podcast, puis on l'a toujours dit, si tu ne veux pas te faire voler tes photos, mets-les pas sur Internet. Voilà. C'est tout. Puis, juste une phrase, un filigrane, c'est un peu comme une... un graffiti sur une belle murale. Ça gâche. Oui, tout à fait. Contact. Bien, c'est bien ça. Tu vois, on est anti-filigrane, nous autres. Ouais. Yes. C'est tellement 2018. parfait. Patrick, voulais-tu nous instruire un peu plus sur la photographie de calcul? Oui, ben, je vais être bref parce que... On a déjà beaucoup parlé, puis je peux vous renvoyer aussi vers un super bon article qui est sur DP Review qui en parle en détail en 3 parties, mais je voulais juste fermer la boucle là-dessus parce que je vous avais parlé des appareils photo Android, puis du fait que ça amenait des possibilités en termes de force de processeur puis de calcul, puis que je vous ai parlé aussi lors de la dernière émission d'une vidéo où Tony Northub expliquait que les constructeurs d'appareils photo vont devoir se pencher sur ces fonctionnalités-là. Puis ils le font déjà. Hein? On regarde la Fuji X-T4, a le HDR inclus à même l'appareil photo. Plusieurs, je crois que Canon puis Sony te permettent de faire des time-lapse directement dans ton appareil photo. Ce qui sont des choses qui étaient réservées au téléphone intelligent auparavant, mais qui maintenant peuvent être faites directement dans l'appareil. Puis, l'histoire de la photographie de calcul comme ça, ça a commencé il y a vraiment longtemps, parce que quand on regarde au début, là, c'était les premiers appareils qui avaient amené du flou, mais aussi le visage, là, qu'on te rajeunissait le visage, là, tu sais, au début, comment c'était laid, puis qu'on avait l'air de des Ken, puis des Barbie. Puis après ça, ben là, il y a comme Snapchat qui a amené tous ces filtres-là inclus dans une application. Fait que peu importe le téléphone que tu avais, tu pouvais les amener. Puis ça a beaucoup évolué assez rapidement. Puis là, on est rendu à des technologies là, assez intenses. Je sais pas si vous connaissez Topaz. Non. Topaz Lab. Topaz Lab, c'est une compagnie qui fait l'amélioration d'image avec intelligence artificielle. Fait que si vous allez jeter un coup d'œil sur topazlabs.com, ben vous allez voir le genre de produit qu'ils offrent. Moi, je l'ai utilisé beaucoup en vidéo. C'est essentiellement, tu sais, ce qu'on voyait dans X-Files puis dans CSI là, quand on était petit. Là. Pouvez-vous, s'il vous plaît, zoomer sur le visage de ce monsieur en arrière qui est complètement sombre? Ben ça marche. Puis c'est vraiment fou à quel point ça fonctionne. Moi, j'ai travaillé avec des séquences vidéo en qualité obscure, là, genre du 320, puis j'amenais ça en HD, là, puis c'est hallucinant comment c'est réussi comme produit. Ah, puis ils sont pas chers, les logiciels. Hein? T'en non. Pour enlever le bruit, Denoise, ouais. 80 $ américains, puis Sharpen pour vraiment ajuster la netteté à 80 $ aussi. Donc c'est ça. Même. Puis tu joues avec les paramètres parce que des fois, ça peut avoir l'air super artificiel. Là. Mais juste quand tu rentres sur le site, là, ta souris se transforme en curseur qui permet de voir le avant-après. Là. Ici, j'ai une tête d'aigle ou en dessous, il y a un paysage. Puis moi, je l'utilisais pour la vidéo. Puis la vidéo, c'est long. Là. Ça peut me prendre comme une nuit au complet pour passer une séquence. Parce que image par image, c'est un peu le même principe que leur logiciel photo, mais qui fait la vidéo image par image. Mais tu peux faire passer du 720p en 4K avec une clarté. Là, puis c'est vraiment impressionnant. Puis en tout cas, fait qu'ils ont tout un ensemble de produits. Il y a Denoise, comme tu as dit. Il y en a un qui est gigapixel, qui permet de... de faire le CSI ou le X-Files, puis d'aller zoomer beaucoup sur une image. Puis tu as un autre qui est vraiment pour Sharpen AI, qui est vraiment pour la netteté. La netteté, merci, de nos photos. Fait que, tu sais, là, pour l'instant, c'est un logiciel à part qui coûte 200 $, mais un jour, ce genre de fonctionnalité-là va être directement dans nos appareils parce que les processeurs vont être capables de le faire. Quand on regarde l'évolution des processeurs, c'est vraiment intéressant ce qui se passe, là. Je parlais du Google 6, Pixel 6 tantôt. La traduction en temps réel, ça fait longtemps que ça existe, mais ça passe par les internets. Mais là, le Pixel 6 est capable de le faire sans les internets. Fait que là, on arrive à une nouvelle étape. Donc, si on commence à avoir des processeurs capables de faire cette quantité de calcul-là, on va pouvoir les mettre dans les appareils photos. Puis, imagine, tu as un appareil photo qui est 24 mégapixels, mais qui permet de prendre des photos gigapixels. Puis, c'est déjà le cas, hein, parce que c'est Sony qui fait ça, là, avec le stacking, là, qui peuvent prendre beaucoup de photos, puis de faire une photo le nombre de mégapixels. Est-ce que c'est Sony? Je me souviens pas. Je me rappelle d'avoir vu cette nouvelle-là, on en avait parlé. Nikon, mais... je pense que Nikon a un appareil qui fait du focus stacking. Oui, mais non, mais Sony permet, quand tu es sur un trépied, c'est ça, il va prendre plusieurs photos, puis tu vas avoir un nombre de mégapixels qui est vraiment plus élevé que ta photo originale. Mais tu dois être sur un trépied pour faire ça. Je ne me souviens pas du nom de la fonctionnalité. Mais on voit que ça commence à rentrer, donc ça commence à apparaître, puis ça permet d'aller plus loin que ce que l'optique nous permet de faire, ce qui est intéressant parce que l'optique finit par avoir ses limites. Tu sais, Christian, tu parlais tantôt de la lourdeur d'un grand zoom, puis à quel point c'est lourd, puis c'est encombrant. Ben si on peut aller chercher un nombre de mégapixels assez élevé, puis avec des trucs comme le denoiser, puis le sharpen, la netteté. Plus de luminosité, des choses comme ça. Augmenter ta luminosité, faire en sorte que c'est comme si tu avais un 200 millimètres, mais dans le fond, tu travailles avec un 50 millimètres, ben ça peut amener des opportunités assez intéressantes, je pense, au sport notamment, là, où ça se passe très vite et très loin. Fait qu'en tout cas, je vous renvoie vers le dossier de DP Review aussi, que on pourra mettre dans les notes, où on parle de la photographie de calcul, mais on explique aussi comment les capteurs entrent dans l'équation, puis les objectifs aussi, puis comment, en transformant nos capteurs et nos objectifs, on a plus de données pour faire plus de calculs qui permet de faire plus de choses ensuite, de magie avec nos photos. Et aussi, toute la question de la lumière, le 3D, la réalité augmentée, comment on peut jouer avec ça. Par exemple, prendre une photo devant une fenêtre, puis là, quand tu mets ton flash, bien évidemment, tu vois la réflexion, mais avec la photographie de calcul, comme ça, il va prendre deux photos, une sans flash, une avec flash, il va les mettre une à côté de l'autre, donc ton sujet va être éclairé, mais ta fenêtre va être transparente. Mmh. Vraiment, là, des trucs, comme je disais tantôt, qu'on peut faire avec du bambou, puis de la morve, puis un bon ordinateur, là, mais là, ça se fait complètement tout seul. Tout comme je disais, une photo d'un ciel où ce que tu vas pouvoir avoir une partie que tu vas y dire, ben cette partie-là, je veux que tu me regardes, que tu me l'exposes moins pendant quelques secondes pour qu'elle, j'aie moins de luminosité. Je suis sûr que ça va se faire, ça. C'est sûr et certain que c'est pas quelque chose qui est extra. Tu peux le faire avec des filtres, des affaires. C'est ça. Mais tu sais, c'est moins commode. Non, si tu peux le faire à même l'appareil photo. Ben, dans mon Sony A7, j'avais téléchargé une application qui me permettait de faire ça, de mettre un filtre logiciel pour justement, le ciel et ces trucs-là. Là, évidemment, Sony, depuis, je pense qu'ils ont fermé leur espèce de boutique d'applications qui pouvaient être téléchargées sur un appareil photo, ce qui était pourtant génial. Une très bonne idée. Mais de l'autre côté, tu sais, j'avais pu justement faire installer une application de time-lapse. Des trucs comme ça. Il y en a qui étaient payantes, d'autres qui étaient gratuites. Mais là, je pense que ça avait soulevé un tollé en disant, mais là, si c'est possible de le faire avec l'appareil, pourquoi vous ne le fournissez pas dès le départ? Il faut qu'on paye 30 $, tu sais. On rajoute un 30 $ pour une fonctionnalité qui est déjà possible sur l'appareil. Donc, ils ont fini par dire, OK, bien, on ferme boutique. Okay, c'est le principe de base du iPhone, là. Il est arrivé tout nu, ce téléphone-là. Puis c'est grâce aux boutiques d'applications que ça peut être un compas, puis un... Non, c'est sûr que c'est tellement complexe tout ça. Tu sais, quand tu regardes une Tesla, que tu peux avoir un modèle d'auto, un autopilote, mais tu le payes 10 000 $. Oh, mais il est là, ton autopilote. Ouais. Là, c'est juste des options logicielles qui font que tu te le... Il n'y a pas même l'autonomie de batterie ou un truc comme ça, que tu peux augmenter ton autonomie en payant plus. Elle est déjà là dans... T'sais. C'est parce qu'ils se donnent un... ouais. Ouais, c'est parce qu'ils se donnent un tampon pour prévenir que la batterie elle devienne trop, elle diminue trop de performance. Alors, il y a comme un tampon que tu n'as pas le droit d'accéder. Mais ils ont joué un petit peu. Fait qu'avec le logiciel, des fois, ils vont permettre d'en récupérer un peu. Mais on est là, pareil. Là. Puis c'est sûr que ça va arriver avec les appareils photo éventuellement. Il n'y a pas de doute, mais c'est dommage, je trouve. Puis, tu sais, je comprends que le monde a fait un tollé pour Sony, mais l'idée était quand même pas mauvaise, là, sincèrement. Trop tôt, là. Too soon. Oui. Ouais. Ben, les Moldus n'étaient pas prêts. Oui. Il y a des gens qui sont. Ben, il y a des gens qui ne seront jamais prêts à ça non plus. Il y a des gens qui vont toujours être frustrés du fait que ouais, mais tu aurais pu me le donner, pourquoi tu ne me l'as pas donné? Ouais, mais voilà d'une autre façon. Tu vas avoir payé ton appareil moins cher aussi, possiblement. Si tu n'en as pas besoin, tu n'as pas payé le 30$ de plus. C'est ça. Mais on voit ce modèle-là de plus en plus. Hein? Les enregistreurs Atomos te vendent des codecs que tu payes. Tu as déjà ton enregistreur, mais il faut que tu payes en plus. Panasonic nous a fait payer pour des fonctionnalités dans leurs appareils photo aussi quand tu veux ajouter des trucs en vidéo. Donc, on le voit, ça existe. Puis moi, je ne suis pas totalement contre dans la mesure où il faut payer pour ces logiciels-là. T'sais? Puis quand on regarde ceux qui ne le faisaient pas, comme Fuji, là, qui te donnait un X-T2 ou un X-T3, puis qui te donne toutes les fonctionnalités du nouvel appareil quand le nouveau sort, ben, ils font moins. Là, les Kaizen, j'allais justement le mentionner. Ils sont pas mal calmes, ces temps-ci. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Vraiment beaucoup moins. Mais bon, parfait. Moi, tant qu'on ne voit pas un système de qu'il faut que tu payes par mois, ça, par contre, là, tu me perds. Surtout pas avec un appareil photo. Excellent. Bien, on va passer aux suggestions de la semaine. On a trois suggestions. Maxime, tu nous présentes les lauréats d'un concours photo. Oui, donc plutôt que présenter un seul photographe ou deux photographes comme que je fais à l'habitude, j'en présente 34 d'un coup. Parfait. Donc, alors, numéro un. Non, c'est pas vrai. Ah non, j'ai seulement nommé un nom. Mehmet Aslan, un Turc, qui est le grand gagnant du concours, le Siena International Photo Awards, qui est un concours italien, mais qui a lieu dans le monde. Lui a gagné sa photo. C'est une photo qui a été prise dans un camp de réfugiés pour Syriens en Turquie, avec le père qui manque des membres, puis l'enfant qui n'a aucun bras, aucune jambe à cause de la guerre. Incroyable. Ah, mais mais c'est pas une photo triste, c'est une belle photo. C'est une ça, belle justement. Photo. Mais c'est puissant. Il est heureux. Oui, c'est puissant, mais il y a un sourire. C'est ça qui fait que c'est beau, justement. Oui, tout à fait. La résilience, l'espoir dans la photo. Puis, donc, c'est un concours photo qui. Il y a des milliers de personnes qui ont participé, qui ont envoyé des photos de 163 pays. Puis, il y a 11 catégories, dont l'espoir, l'architecture, les animaux, la COVID-19, en espérant que ce ne soit pas l'année prochaine encore dans la catégorie. Puis, donc, tu as les grands gagnants. Mehmet Aslan, le Turc, c'était le grand gagnant de tout, mais sinon, c'est ça. Donc, plusieurs gagnants vont pouvoir voir les photos. Là. Patrick, tu étais en Turquie, le connais-tu, Mehmet Aslan? C'est question ridicule. Mais cette question-là, des réfugiés syriens, elle était d'actualité beaucoup. Là. Ouais, j'en doute pas. Ouais. Parfait. Ben, Patrick, on passe d'un concours photo à un autre avec les Drone Photo Awards. Ben oui, à défaut de m'acheter un drone parce que je me dis que je vais juste le planter puis que je vais jouer avec pendant 3 jours. D'ailleurs, mon ami s'en est acheté un puis il l'a planté 2 fois déjà en un mois. Ben, oh, moi, je vais tester le GOM5. C'est ça? Attends, je me souviens pas, il y a un 5 dedans. Là. Best Buy va me l'envoyer bientôt, là, puis je vais pouvoir faire le test et probablement le planter aussi parce que je suis pas doué pour faire voler des drones. C'est pas facile. Non, sérieux, j'en avais là. Fait planter un dans mon autour de mon balcon, là, l'espèce de rampe. Là, de... Ah oui! Puis là, c'était en bois traité. Les hélices avaient comme chippé le bois, toi. ça avait fait des marques. Bref, c'est juste ça, au décollage. Donc, là. C'est... Moi, je résiste encore là, parce que j'ai trop peur là, de payer cher pour un appareil que je vais briser plus vite que l'éclair. Mais à défaut d'en avoir un, il y a le Drone Photo Award Puis il y a un gagnant, plusieurs gagnants qui ont été dévoilés. Puis je vous invite à aller jeter un coup d'œil. C'est vraiment intéressant parce que, en tout cas, là-dessus, on s'intéresse à la perspective là, de directement au-dessus de quelque chose, là. Donc, Ouais. d'aller chercher vraiment l'angle directement au-dessus. Puis d'ailleurs, il y a une des photos, la troisième sur le site, qui a été prise au Kazakhstan, à Almaty, où je suis allé la semaine passée. Fait, Hey, mais tout est dans tout, hein? C'est fou, c'est là. des glaciers, c'est quoi? Ouais. Ben ouais, c'est ça. C'est des plaques de glace, en fait, dans un réservoir. Puis elles se sont mises en maillot de bain sur une serviette, couchées sur une des plaques de glace. Puis là, tu as toute l'histoire du photographe qui dit qu'il faisait super froid, il ventait. Puis en tout cas, c'était vraiment inconfortable, mais c'était de l'art. Donc, il y avait toute cette démarche artistique. Puis la Ah photo bon. est super belle parce que ça fait un beau contraste là, entre la glace puis eux qui sont Oui. presque En nus, là, en maillot. petit maillot, c'est ça, dans cet Super. endroit froid. Puis dans d'autres, là, il y a des photos vraiment époustouflantes là, avec la terre crevassée, là, notamment des dames qui vont chercher de l'eau au Bangladesh. En tout cas, je vous invite à regarder ça. Moi, je trouve Oui. fascinant ce qu'on peut voir grâce à ces photos-là, parce que la Ouais. photo satellite, c'était cool, mais c'était loin. Tandis que là, on va vraiment voir des textures, là, comme il y en a une autre là, au Vietnam, là, où on voit le gazon, là, ben, L'herbe vraiment l'herbe, comme c'est ça. couchée, Ouais, c'est comme des ouais. cheveux ou du Ça n'a poil, même pas là. l'air vrai. Ouais, Ça n'a non, même pas c'est l'air vrai tellement très que cool. c'est. C'est ça. Fait que ça donne vraiment une autre perspective que je trouve intéressante. Puis ça permet d'être créatif d'une autre façon, puis de voir le monde d'une façon que même avec ton appareil photo, t'as beau bouger, là, puis changer de focale, tu peux pas le voir de cette façon-là. Exact. Puis, Fait que... je pense que je vais rajouter un bonus à ta suggestion parce qu'il y a un compte que j'ai oublié le nom que je vais trouver assez rapidement après l'émission. On pourra mettre des notes. C'est un compte justement Instagram qui font de l'abstrait aérien. Donc, c'est toutes des photos de drones vues comme ça, mais plus abstrait. On comprend c'est quoi, mettons, un champ, une bâtisse ou quoi, mais plus. Donc, Il je y a vais une rajouter démarche ça en bonus, artistique là. en plus, là. Ouais, c'est cool. Les OK, ben textures oui, sont écœurantes. Ouais, on c'est mettra ça vraiment dans les notes. des textures qu'on ne voyait pas d'une autre façon. Exact. Parfait. Et là, ben, vous m'avez rendu la tâche facile avec vos suggestions de la semaine, messieurs. Là, on passait d'un concours à un autre, mais là, on passe de drone à un autre drone. Ah, c'est goût, c'est goût. C'est vraiment Ben ouais. simple. Moi, j'ai une question pour vous. Ça prend combien de drones pour visser une ampoule? Oh! Ah, mais je pense que j'ai vu la réponse. Sans regarder les notes, je pense que j'ai Moi, je compris. te dirais que ça en prend un pour la tenir, un pour la tourner. Non, Ah, c'est chaud. C'est juste pas comme un. les. Je ne sais pas comment il a fait, le gars, pour être honnête, là, mais c'est une vidéo qui a commencé, bon, initialement sur TikTok, là, mais je l'ai trouvé, quelqu'un qui l'a reposté sur YouTube. Mais la personne arrive à visser son ampoule avec son drone. Ça prend quand même une certaine dextérité et technique pour Il arriver va à le pas le faire. planter, là, lui, le sien. Non, je pense pas, lui. J'ai trouvé ça quand même assez impressionnant, là. C'est, mettons que j'essayerais pas Ben, personnellement, là, est-ce qu'on j'aurais. s'entend qu'il y a du montage puis il l'a pas eu du premier coup, là, quand Non, même? c'est sûr et certain, là, c'est sûr. Mais il est Voyons, pareil. Stéphane. C'est C'est de ça. Je suis mauvaise tellement de foi, mauvaise Stéphane. foi. Ah, mais c'est quand même impressionnant. Oh, oui, il l'a eu, voilà. On le regarde live et puis il se met à tourner autour. Mais c'est ça, il y a une espèce d'autocollant pour s'assurer que le bulbe ne bascule pas, là, évidemment. Et là, et voilà, il a réussi. Puis là, ben, j'imagine qu'il continue à tourner. Oui, Non? ben c'est parce que je sais pas si tu sais, mais il ne faut pas que tu serres trop non plus, parce que ça peut avoir Ah des ouais. résultats Exact. un peu désagréables. Bref, très amusant. Très amusant. Bonne suggestion. En tout cas, Décidez d'y aller léger. quand tu dis combien ça prend de drone pour visser une affaire, ça m'a fait penser à combien ça prend de Newfie pour visser une affaire. Donc, en tout cas, ça prend moins de drone que Newfie si. Mais bon. Oui, Ah, mais mais puis, là, on ne l'a de pas là à spécifié. expliquer, oui. Mais c'est une Pas, pas, ampoule moi, en je... vitre, hein? C'est pas C'est une une ampoule Dell en en... plastique, là. Oui, Ouais, c'est ça. non. C'est Donc, peut-être mieux aussi. Parce que si tu casses une Dell ou si tu casses les anciennes données ampoules Ah fluo oui, compact, là, flux oh mon compact, Dieu. flux Non, mais optique. Elles sont quand même plus résistantes qu'un petit bulbe en verre mince, là, il d'après y a moi. ça, mais c'est les gaz et toutes ces Oui, affaires-là absolument. Les désagréables. gauzes, Les gaz. comme dirait le capitaine Patnaude. Exact. Bref. Mon ancien coloc qui avait changé toutes les lumières du Sport Expert où il travaillait, qui était une assez grande surface. Mais à cette heure, avec un drone, il n'y aurait plus à avoir un employé Et voilà. qui monte dans l'échelle, qui descend, qui monte dans l'échelle, qui descend. Assis, les On pieds a encore un bout croisés. à attendre, je pense. Non, non, mais tu sais, tu t'imagines avec ta télécommande, les pieds croisés sur le bureau. Bon, suivante. Ta tasse de café. Ben, merci beaucoup, messieurs. Ben, merci, Maxime. Tu as fait beaucoup de recherches depuis le dernier épisode pour nous trouver un paquet de sujets. Je te dirais, quoi, pas loin de la moitié des sujets de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Très apprécié. Et puis, voilà. Donc, avec un peu de chance, on va se retrouver dans à peu près un mois aussi pour l'épisode 179. Donc, merci beaucoup, Christian. Merci, Stéphane. Merci, Maxime. Merci, merci. Merci, Patrick. Merci beaucoup. Et maintenant, ben, tu peux aller faire ta journée au travail. Toi, c'est le matin. En fait, c'est là, les enfants s'en vont à l'école. Là. C'est comme la panique de l'autre bord. Fait que je vais aller. C'est super, le temps, donc on finit juste à temps. Et merci beaucoup, chers auditeurs. Donc, d'ici le prochain épisode, à vos déclencheurs.